Bonsoir. Bonsoir. On est sur antenne, ça y est, j'avais oublié. Bon, bonsoir. Voilà, excusez-nous, nous sommes un peu en retard, mais c'est pas grave. Ça nous arrive souvent d'ailleurs. Désolée, c'est ma faute cette fois-ci. Non, c'est bon, on n'a pas dit. Je t'ai pas accusé. Hein. Donc, vous vous trouvez donc sur l'émission anarchiste de Radio Air Libre, Tranche d'Anar, comme tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Notre adresse est 365 H, chaussée d'Alzenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, notre standard, comme dit notre ami Hachou, c'est 02-344-58-55, 02-344-58-55. Voilà, ce soir nous avons un invité. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Voilà, un invité qui vient parler du collectif qui s'appelle Stop Répression. Alors, il va nous raconter un petit peu ce que c'est que ce collectif, depuis quand il existe, de plusieurs actions, pourquoi, et voilà. Et puis bon, au début, on va faire un peu de musique, parce que comme ça, on a le temps de voir un petit peu quoi, ce qu'on va raconter sur ce collectif. Et puis, nous aurons après un agenda un peu rapide, j'espère. Que j'ai pas encore consulté l'agenda de Indie Media, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses. C'est l'été qui arrive. Je vais aller voir celui de Radio Air Libre alors. Ouais. Peut-être il y a mieux, je ne suis pas sûre. C'est l'été qui arrive. Ok, en tout cas, on va commencer par un peu de musique. Tout à fait. Puisque notre ami n'est pas là. Oui, c'est ça. Notre ami n'est pas là, donc tu vas me dire que. Mais il a quand même envoyé deux albums. Donc un, c'est de Dr. Jones, et l'autre, c'est de 10 Years After. On va commencer par Dr. Jones avec Reggae Docteur. Slipping in the slide like an automobile. I would like to feature. You're laughing using three. Two-time woman, don't tell me your lies. Two-time woman, don't tell me those lies. I hear your voice, but I'm looking right in your eyes. You to time me. 'Cause if you need to, you can bet your life and using friends. Two time woman, don't tell me your lies. Two time woman, don't tell me those lies. I hear your voice, but I'm looking right in your eyes. Et ben voilà, on a Doula. Et maintenant, on va commencer à mieux comprendre, j'espère, le collectif Stop Répression. J'ai regardé un peu, vous avez un site où il y a pas mal d'informations déjà trouvées. Donc, et j'ai vu que vous existez depuis 7 ans. Et c'était un peu... Initialement, c'est d'où venue l'idée, c'est d'où venue cette l'idée de créer cette collectif. Et en général, qu'est-ce que vous avez fait faire pendant ces 7 ans, à part des manifs que je pense qu'ils sont entre-temps, certaines personnes connaissent déjà, la manif contre la violence policière que vous essayez quand même de mener chaque année, quand vous n'êtes pas refusé. Donc bah voilà. Donc si tu peux juste dire en général. Oui, ben donc c'est des questions très larges, mais je vais essayer de répondre à tout. Donc la campagne Stop Répression, c'est donc une campagne lancée par les JOC, donc les Jeunes Organisés Combatifs, qui est une organisation de jeunesse. La campagne est donc née en 2011 et a vraiment débuté en 2012. Elle est née donc du fait que, en tant que militants, des membres des JOC se sont vus violentés par la police à plusieurs reprises lors de manifestations et autres événements militants. Et donc, ils ont décidé de se concentrer, réfléchir comment lutter, dénoncer cette violence qu'ils subissent. Et donc ils ont lancé une première manifestation donc, contre les violences policières le 15 mars 2012, lors en fait de la journée internationale contre les violences policières, le 15 mars. C'est une journée donc, qui existait déjà, mais qui n'était pas très visible. Elle existait notamment au Québec, où là ils faisaient aussi déjà une manifestation chaque année. Et donc depuis 2012, nous on fait cette manifestation chaque année. Donc ça c'est un événement annuel qu'on fait. Après évidemment... Mais c'est vrai que je me souviens, ça, vous étiez vraiment assez agressé à ce moment-là. Non, en 2011 c'était dans le métro, c'était cet incident-là. Il y a eu notamment à la suite, si je ne m'abuse, hein, parce que moi je suis arrivé début 2013, à la suite d'une manifestation antifasciste auquel les militants en choc avaient participé, ils avaient subi effectivement une violence assez, assez forte de la police qui les avait coincés sur un quai d'une station de métro, ouais, et qui avait tapé dedans, et donc il y avait plusieurs militants amochés. Ah oui, oui, à Trône. À Trône, exactement. Ouais. À la station de métro Trône. Et donc, ça, c'est un des moments, effectivement, qui, voilà, où ils ont subi une forte répression en tant que militants. Et donc, c'est un des moments qui les a fait réfléchir par rapport à, ce, à cette réalité-là. Et donc, effectivement, donc, ça fait 7 ans que ça, ça a commencé à exister. Entre-temps, évidemment, on a fait... plein d'autres choses, on a fait plein d'autres actions et on a abordé d'autres types de répression parce que donc eux en tant que militants ils ont lancé cette campagne mais ils se sont vite rendu compte en commençant à réfléchir vraiment sur la thématique de la répression que il y a différents types de répression qui touchent différents publics entre guillemets, différents types de personnes et que donc c'est important de dénoncer tous ces types de répression et pas se focaliser uniquement sur sur ceux que eux subissaient personnellement. C'est pour ça que donc ils ont établi ils ont écrit des articles pour vraiment établir un positionnement par rapport à la répression sous tous ses aspects et donc bah il y a notamment évidemment la répression des quartiers populaires qui est en fait la répression la plus importante parce qu'elle est subie tout le temps, quotidiennement, d'un quartier à l'autre. La répression des mouvements sociaux, donc ça c'est celle que les militants, les manifestants, par exemple, peuvent subir. Ils dénonçaient aussi, en fait, la surveillance généralisée que tout le monde subit, hein, que ce soit, voilà... tu parles des caméras de surveillance. Bruxelles, par exemple, est une des villes avec le plus de caméras. Quand on regarde sur une carte le nombre de caméras, rien que les caméras publiques à Bruxelles, c'est hallucinant. C'est ça, c'est aussi voilà, dans les stations de métro, ben, y a des portiques partout, même pour sortir maintenant, depuis quelques années. Ensuite, ben, y a aussi le fait que on parle de la militarisation de la police. On voit qu'il y a de plus en plus de nouvelles armes qui sont proposées aux policiers, comme l'entrée en vigueur de taser ou de flashball, qui sont de plus en plus utilisées partout, alors que c'est prouvé que c'est des armes extrêmement dangereuses. C'est appelé des armes non létales, donc qui sont pas censées pouvoir tuer, mais en fait, elles peuvent tuer si c'est reçu... à un endroit, à un mauvais endroit, un endroit sensible du corps. Est-ce que là aussi, j'avais une question, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de restriction quand utiliser cette arme ? Est-ce que c'est vraiment, ils peuvent l'impliquer quand ils veulent, quand ils le sentent ? Est-ce qu'il n'y a pas de législation Logiquement, déjà, ils ont des techniques très précises pour les utiliser. Il y a certaines parties du corps qui peuvent viser. Et toutes des parties du corps qui ne peuvent absolument pas viser parce que c'est extrêmement dangereux comme je dis. Il y a déjà eu des morts, il y a déjà des gens qui ont perdu des œils, etc. Des gens qui ont été plongés dans le coma avec des tasers, etc. Non mais c'est vrai que ça a pris du temps avant que ça arrivait en Belgique. Ouais. Allez, c'était beaucoup en France et d'autre part. Mais c'est vrai que ça m'a étonné d'entendre ça, personnellement, j'ai pas encore vu, mais donc ça arrive de vraiment de plus en plus qu'ils utilisent ces armes. Ouais, ouais. Bah donc c'est très récent, ça fait quelques mois là que ça a été ça a été mis en place par certaines zones de police. En fait, il y a des zones à l'essai qui essayent tel ou tel type d'arme. Mais donc allez. On dit, voilà, telle zone de police, pendant 6 mois, ils vont tester telle arme. Mais alors, ça pousse les policiers à sortir cette arme et l'utiliser. Donc, c'est vraiment pousser les policiers à l'utiliser. Donc, c'est vraiment un projet pilote, on vous lance et après, on fait une évaluation. Waouh. Donc c'est quand même c'est récemment, c'est ça. Récemment, là, ouais. Par exemple, il y a eu le cas envers le collectif le sans-papiers, ouais, VSP, ça, donc ouais. La voix des sans-papiers. J'étais très étonné à ce moment-là, je n'ai pas compris non plus d'où ça venait tout d'un coup. Ouais. Ils ont tiré au flashball sur des membres du collectif, alors qu'il ne se passait rien, ils étaient pacifiques. Et c'était un moment où ils allaient investir un nouveau bâtiment qui était prévu avec la commune, avec l'accord de la commune, etc. Donc, enfin, il n'y avait même pas de raison qu'il y ait une présence policière, mais bon. Ils s'en sont servis. Déjà, rien que dans la cuisse d'un jeune homme, on avait vu l'impact que ça faisait, un flashball. Ça fait déjà un sacré bleu, quoi. Mm-hmm. Rien que dans la cuisse, donc... Faut imaginer dans des parties sensibles comme le visage ou mais oui. Ou les c'est pour ça que je me demande est-ce que là il n'y avait pas moyen de réagir, de dénoncer ou est-ce que c'est vraiment devenu un loi, c'est applicable, la police peut l'utiliser juste comme ça. Donc quand ils veulent, quand ils sont, quand ils... Allez, toi, c'est juste une question. Hein, parce que vrai, avec les sans-papiers, je n'ai pas du tout compris. Est-ce que c'était parce que c'était... le propriétaire, c'était un banque, non? C'était un truc privé ou est-ce que... Non, mais donc, en fait, ouais. le collectif avait un accord avec le bourgmestre de la commune de Mille-Bruxelles pour pouvoir occuper ce nouveau bâtiment. Et donc là, ils étaient simplement en train de passer du bâtiment qu'ils occupaient au nouveau bâtiment, donc c'était prévu, le bourgmestre était au courant, donc logiquement sa police aussi. Voilà, c'est juste le collectif qui s'est ramené avec ses bagages, ses sacs, ses meubles, etc. Pour commencer à occuper le bâtiment et ils se sont vus directement menacés, repoussés par la police et... Bon, c'est un autre sujet, mais je me demandais est-ce que ça n'a rien à voir non plus avec la propriétaire qui était quand même la Fortis, non? C'était quand même la banque Fortis, ou avant, ou pas? Ou que, est-ce qu'il y avait un autre accord avec... parce qu'il y avait aussi des polices civiles. Allez, il y avait quelque chose qui était quand même remarquable, je trouvais, là-bas, au niveau de... On ne comprenait pas trop ce qui se passait. Allez... que cette violence-là est utilisée là. Est-ce que ça a un rapport avec le bâtiment, la propriété d'un bâtiment? Est-ce que c'était juste à certaines occasions, maintenant ils se sentent menacés ou je sais pas quoi, ils lancent le taser? Moi en tout cas, j'ai pas du tout été au courant qu'il y ait un lien avec la propriétaire ou les propriétaires. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'était prévu, c'était légal, il y avait un accord, à partir de ce moment-là. Mais donc, effectivement, on voit, par exemple, là, que ça a été utilisé envers des personnes sans papier. En fait, on remarque que ce genre de nouvelles armes sont utilisées prioritairement envers certains types de personnes, qui sont en fait les personnes les plus déjà les plus ciblées, les plus touchées par la répression, et qui sont entre guillemets les plus fragiles entre guillemets, parce que les plus touchées par toute une série de choses comme la précarité, mais aussi parce qu'ils peuvent peut-être pas se défendre en justice. Effectivement, ouais. Les sans-papiers ne peuvent que très très très rarement et très difficilement se défendre en justice, et donc effectivement c'est en fait c'est triste à dire, mais ça fait des bonnes cibles d'essais pour essayer de nouvelles armes. Et donc, ben, on voit que oui, concrètement, c'est ce qui se passe. Ouais. Bah bon, tout ça, ça fait... Ouais. Comment est-ce que votre campagne, est-ce que vous voyez un peu une évolution depuis que vous faites certaines actions les formations que vous pensez maintenant de faire, de filmer la police, parce que souvent, il y a quand même des gens qui disent quand on filme la police, on a quand même certaines preuves, on peut les utiliser, peut-être ça peut moindre la violence mais je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment une tactique, une stratégie que vous êtes en train de développer pour éviter au moindre la violence policière et comment? Oui, mais donc je vais répondre en deux parties. La première, ouais, c'est par rapport au fait d'agir, en fait, au fait d'entreprendre des actions, trouver des projets pour amener du changement, de manière générale. De manière générale, dans le militantisme, que ce soit pour n'importe quelle lutte, on n'a pas souvent, en fait, des victoires. Et donc, il faut se servir des petites victoires qu'on peut avoir par-ci par-là pour montrer qu'il y a quand même moyen de gagner des choses, malgré que la situation, de manière générale, au niveau social, notamment, ne fait que s'aggraver. Mm-hmm. Mais il y a quand même moyen, en s'organisant, d'obtenir des choses. Et donc, plus précisément, par rapport au cop-watching, donc au fait de filmer la police dans ses interventions, déjà, je trouve que c'est super important de rappeler que c'est légal. On a tout à fait le droit de filmer la police, contrairement à ce que les agents de police nous disent la plupart du temps. Hein, ils disent qu'on n'a pas le droit, etc. C'est totalement faux. Il y a d'ailleurs le comité P qui l'a rappelé en envoyant un courrier à la police de Mulhouse-Bruxelles pour rappeler que les citoyens peuvent filmer la police en intervention. Il n'y a absolument pas de souci avec ça. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est que pour la diffusion, c'est un peu plus compliqué. C'est qu'effectivement, il y a la question de la vie privée des agents de police, hein, qui reste d'application, ouais, qui reste protégé. Mais donc, ça dépend, en fait, des situations. Si vous filmez une intervention qui, clairement, affiche une violence policière, où on voit clairement que les policiers abusent de la violence, alors là, ce sont des images qui peuvent être utilisées parce qu'elles montrent clairement un abus. Et donc, elles peuvent être utilisées. Maintenant, si en fait les images ne n'affichent pas d'abus de la police, effectivement, il faut faire attention en diffusant. Il vaut mieux, par exemple, flouter les visages, etc. Pour avoir le moins de chances d'avoir des problèmes. Donc ça, c'est pour le côté légal de la chose. Après, pour le côté organisationnel, mais effectivement, on voit que quand... Parce qu'il y a plus en plus de gens, hein, qui font ça, qui sortent leur smartphone, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des smartphones maintenant, quand ils voient quelque chose, ils sortent leur smartphone et ils filment. Notamment quand ils voient une intervention policière, qui est un abus ou pas. Je veux dire, ça c'est souvent très subjectif, hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais, et donc ce qu'on remarque, c'est que du coup, quand quelqu'un sort son téléphone pour filmer la police, c'est quelque chose que les policiers détestent, vraiment, et donc ça peut devenir dangereux pour la personne qui filme parce que les policiers se retournent contre elle et peuvent user de violence contre elle. Enfin, je veux dire peuvent. Oui, ils le font. Ils le font. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que ça peut être dangereux pour nous-mêmes quand on filme. Et c'est pour ça, en fait, que nous, on a décidé de lancer des séances de formation pour le cop-watching parce que le cop-watching, c'est quelque chose qui se pratique déjà ailleurs, notamment aux États-Unis. Là, c'est quelque chose qui est pas mal pratiqué, qui vient de là-bas, d'ailleurs. Hein. À l'époque, les Black Panthers, c'est ce qu'ils avaient lancé. C'est comme ça qu'ils s'organisaient. Ils avaient de quoi filmer la police. Et donc, ils étaient présents un maximum lors d'intervention pour empêcher qu'il y ait des morts, des abus. Et donc, effectivement, il y a des techniques qui existent pour filmer la police et pour s'assurer que ça se passe pour le mieux pour tout le monde, pour les gens qui filment, pour les autres témoins de la scène, pour les victimes de violences policières pour lesquelles on veut venir en aide. Et donc, c'est ça qu'on veut montrer aux gens, c'est qu'il y a moyen de s'organiser pour qu'en fait on puisse filmer sans que il y ait, bon, le risque zéro n'existe pas, on est d'accord, mais sans qu'il y ait trop de risques pour tout le monde. Et donc que filmer la police puisse vraiment être utile et donc au final faire en sorte que les violences policières diminuent et voire un jour utopiquement disparaissent. C'est vrai qu'on a vu ça, mais bon, l'expérience, on a vu ça à Calais par exemple, où, pour les sans-papiers là-bas, il y a aussi des activistes qui ont filmé assez couramment la violence policière contre les sans-papiers. C'est vrai que, mais c'est en plus avec des juristes qui ont et qui ont fait le combat ensemble, mais c'est vrai que c'était temporairement, c'était moins de violence, mais c'est vrai, c'est temporairement parce que c'est passé en médias, parce qu'ils avaient gagné la cause en justice avec les films qu'ils ont montrés. Donc c'est vrai que il y a quand même certains petites victoires de temps en temps avec ça, mais c'est plutôt la longue durée. Allez, ça c'est toujours continuer à éventuellement faire la pression. Ouais. Voilà. Mais donc, par rapport à ça, c'est quelque chose, effectivement, les images qu'on récolte en direct ou après coup d'un cas de violence policière, c'est des images qui, après coup, effectivement, peuvent servir à un procès pour violence policière, ce qui est très utile parce que, je veux dire, déjà avoir des procès pour violence policière, en tout cas dans un pays comme la Belgique, c'est déjà très très rare. Obtenir une condamnation d'un policier, c'est encore plus rare. Et quand c'est une condamnation, c'est très peu au final ce que le policier a comme condamnation. Mais donc on peut espérer que cet outil, pour nous en tout cas, ça nous semble vraiment un des meilleurs outils pour pouvoir lutter efficacement en fait contre les violences policières. Mais ça va de pair avec le reste, hein. Nous on pousse les gens à porter plainte quand ils subissent des violences policières. C'est un peu lutter sur les trois axes en même temps. C'est lutter juridiquement en portant plainte, en allant jusqu'au procès si ça va jusque là, ce qui est rare. Médiatiquement, donc faire parler de l'affaire, appeler la presse s'il y a moyen, ou en tout cas utiliser les réseaux sociaux et lutter politiquement. Donc c'est nous en tout cas par exemple comme collectif, on va vers les victimes de violences policières dont on entend parler, et il y a parfois des victimes de violences policières qui eux-mêmes nous contactent, et donc en faisant parler de l'affaire, en s'organisant, en voyant avec les personnes ce qu'on peut faire avec elles, on essaye de les renforcer. On voit que le politique et le médiatique renforcent l'action juridique. En faisant du cop-watching, c'est donner en fait des outils en plus pour pouvoir éventuellement faire condamner des policiers qui abusent de leur violence, parce que c'est des images vidéo, c'est quelque chose de avec des témoins peut-être aussi, mais c'est ça qui constitue un dossier solide pour pouvoir obtenir justice. Surtout si tu as des images en propre main, parce que c'est vrai que peut-être on peut en parler après un petit pause médical, mais le cas que j'ai vu aussi et qui est un peu devenu connu sur Moat, le jeune Molenbeekois. C'est vrai que finalement, là, il y avait des caméras apparemment dans le commissariat, mais qui ont effacé une grosse partie de preuves. Donc, c'est vrai, si tu as les images dans la propre main, c'est autre chose pour... tu vois. Mais peut-être... Tu as une question? Oui, j'ai une question à poser. C'est-à-dire que quand vous êtes... confronté à des témoins ou des images qui sont quand même très très compromettantes par rapport à des policiers ou par rapport à des organismes d'État assez importants, est-ce que vous avez des pressions qui vous viennent, vous en tant que collectif, que des gens qui font la pression pour que ces images ne soient pas diffusées ou qu'elles soient pas... Est-ce que ça vous arrive? Jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Maintenant, faut être clair, il n'y a pas... énormément de victimes qu'on a pu soutenir, parce que la plupart des victimes n'entreprennent aucune démarche. Et pourquoi? Par peur? par peur et par parce que la plupart des gens pensent que ça sert à rien. Ouais, ils croient pas à la justice. On veut pas même pas pour collaborer avec là. Parce qu'ils savent que obtenir justice par rapport à la violence policière, c'est quelque chose de d'utopique entre guillemets. C'est très rare d'obtenir un peu de justice par rapport à ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont entre guillemets découragés avant même d'entreprendre quelques démarches. Il y en a qui s'arrêtent en cours de route aussi. Il y en a qui commencent à contacter un avocat, vouloir porter plainte, et puis au final, bah, ils abandonnent, quoi. Parce que c'est vrai que c'est tout à fait compréhensible, hein. Faut savoir que, enfin, voilà, déjà les gens, ils ont vécu un traumatisme, parfois pendant plusieurs années, hein, quand c'est, par exemple, des jeunes de quartier qui subissent, entre guillemets, quotidiennement des violences, bah, c'est un traumatisme sur des années, pour la famille aussi souvent. C'est toute une procédure qui est parfois longue. Moi, ça fait 5 ans qu'il s'est fait tabasser. Et ici, il y a eu un an et demi, le procès en première instance. Peut-être il faut, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas le cas, mais peut-être on peut en parler après une petite pause musicale. Parce que je trouve que c'est vraiment un cas... assez pertinent. Oui, tout à fait. Qu'il faut la peine, peut-être. Je ne sais pas si toi, tu t'en connais ce cas. Non, je ne connais pas spécifiquement, donc, spécifiquement ce cas, mais c'est vrai qu'on peut en parler, parce que c'est important de savoir. Mais c'est vrai que, bon... moi, je me dis que c'est quand même assez... Enfin bon, on est dans un état de... Parfois de non-droit assez flagrant pour plein de choses. Et que toute la répression de l'État ou de la police ou de tous ces gens-là, ça n'aboutit à rien. Quoi. C'est alors que bon, on est là que pour dire ce qui ne va pas. Et je vois pas pourquoi il y aurait toujours que d'un côté que les gens auraient raison et que les autres auraient tort. Quoi. C'est pour moi un non-sens pour moi. Enfin bon, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Pour moi aussi. Mais bon, petite pause musicale et on continue sur l'affaire. Oh oh. Fio, heure, libérez les miens. Fermez les fours. Oh du cœur. Cet Israël idéal t'annonce la douleur. Pour tout la bourre d'un matra aurait de la douleur. En arc, en arc, en arc, jusqu'à l'autopsie. On connaît leur mélodie. Ça vient du brevet et mer. On t'aura prévu. Car où les langues de Mohamed, tout est dans le brossaire. On t'aura prévu. J'ai la hache contre ses coffres, c'est jugé ce commissaire. Calage, calage, calage, calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Que la police te protège. Que Dieu me protège de la police. Je pousserai l'arme quand les bons auront des dents. Ou quand les poulets seront polis. Ou quand la juge accusera vos crimes. Enfermer ces merdes et libérer mes gounis. J'en fous le commissaire quand j'ai audition. J'fais la ragouna, la chale gommée. J'ai bu la gazeuse, j'ai bouffé la matraque. J'dis germain et ses gros porcs m'appellent macaque. S'ils me crèvent, est-ce qu'ils diront que je suis cardiaque? C'est les keufs ou nos cœurs qui font des attaques. Les médias parlent à, faut que ça crame pour qu'on fasse la une. Toujours des cafés, des baffes, mauvais taf comme une taf, on fume pour un pas de bavure. Sombres sont les coins de ma rue, c'est pour ça que ça s'allume. Chez nous pas que des voyous, chez vous pas que des ripos, beaucoup trop de chiens taillus. J'ai vu cette bichetonne Mariana poil, elle a fait ses seins en silicone. Elle s'est refait grâce à ce qu'elle vole à l'Afrique, elle a corrompu ses petits pichons. Je vais lui arracher son sac URH dans sa face, il y a pas tout mon cash. Lourd c'est tant que j'aime pas ses poulets, tu ne verras pas de crête sur mon crâne. Oh du cœur, cet Israël idéal t'annonce la couleur. Beaucoup de l'amour à Damatra aurait de la douleur. En arc, en arc, en arc, en arc jusqu'à l'autopsie. On connaît leur mélodie, ça vient du brevet et mer. On t'aura prévu. Car où les lourds de Mohamed, tout est dans le brossaire. J'ai la hache contre ses coffres, c'est jugé ce commissaire. Calage, calage, calage, calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ouais, allô, justice. Je crois que cette conne a bloqué mon une. Je viens de voir 76 appels manqués de la violence, elle veut qu'on discute. Réponse du sang par le sang perdu, la douleur des innocents traqués sans issue. Je frappe et chute et tue comme tous mes gars détenus qui sortent et retombent sur leur rat et faire des tueux. Tu peux ramener tous tes Goliath, mais David on le sait fut. Je voulais embrasser un flic avec Rono, j'ai vu sur une rue, j'ai vomi dessus. Gardien de la paix cherche la guerre, et c'était le jour de l'anniversaire. Ironie du sort, la street a de bonnes raisons de faire du tort. Je me pose des questions, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas là mais c'est louche. En cas de perquisition, je sais pas ce que je vais te casser si c'est la maman que tu touches. Je cherche mes droits à la loupe, j'ai ciblé mes devoirs, ils me flottent. Barrez-vous maintenant que j'ai la vision trouble, je rafale autour, faut pas que je loupe. Mais Roro Noa Mugiwara, mes Nakama face à la marée. Je peux pas les sentir, ça pue le contrôle à chaque fois que j'arrive. Je traîne pas avec Robocop, je suis plus avec Robotnik. Que des cauchemars arabes, grave, on vend pas de rêve dans nos streets. Cet Israël, VOR, t'annonce la couleur. Beaucoup de l'impour Adam, la Traoré de la douleur. En arc, en arc, en arc, jusqu'à l'autopsie. On connaît leur mélodie, ça vient du preux à MR. On t'aura prévu. Car vous les lourds de Morat, mais tout est dans vos serres. On t'aura prévu. J'ai la rage contre ces coffres, c'est juger ce commissaire. Calage, calage, calage, calage sur la mélodie. Chez nous, pas de félonie. Bouna, Sied, Abdoulaye Camara, Adama Traoré, toutes les familles. À ceux d'avant, au prochain, protège les tiens, protège ton dos, t'auras prévenu l'armée, fais au R. Voilà. Merci pour la musique, parce que c'est le collectif Stop Répression qui a emmené sa musique, qui correspond bien avec la thématique. Ben voilà, donc c'est vrai que je voulais en parler de cas de Moat, mais peut-être la première question, comment vous êtes arrivé à faire le lien avec les quartiers populaires? Comment les gens vous connaissent, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous faites des actions pour être connu? L'histoire de Moat. Moat. C'est ça d'abord. Ah, oui. Son histoire, tu voulais d'abord qu'on explique. Oui. Ah, oui, et l'autre aussi, hein, mais ça va un peu dans le même sens, parce que Moat, c'est un jeune de quartier populaire Molenbeek, et voilà. Mais donc je vais commencer par le début. Les victimes de violences policières, donc ça dépend. Hein. Soit elles ont entendu parler de notre collectif ou d'un autre, et alors elles rentrent elles-mêmes en contact. Ou nous, on est au courant d'un cas de victime de violences policières, et alors c'est nous qui rentrons en contact avec la victime ou la famille de la victime. Dans le cas de Moat, c'est notre collectif qui est rentré en contact avec la maman de Moat. On l'a rencontrée, on a commencé à travailler avec elle, hein, à s'organiser pour faire parler du cas de Moat, donc il s'était fait tabasser par 5 policiers à l'âge de 14 ans en 2013. On a construit véritablement une campagne de soutien. C'est la famille, hein, qui porte vraiment l'affaire. Hein. Oui. C'est la famille qui a porté plainte, c'est la famille qui a engagé un avocat, des avocats, et qui a tenu bon pour avoir un procès plusieurs années après. On fait que soutenir. On est là, on est présent avec la famille. Pour mobiliser aussi, pour faire connaître le cas vers d'autres gens. C'est ça. Et donc, petit à petit, on a commencé à rencontrer d'autres personnes. Et donc, il y a un très petit réseau qui nous connaît maintenant. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait pas comme ça. Non, parce qu'il faut avoir confiance aussi. N'importe quel collectif ou organisation ne travaille pas comme ça avec une famille ou avec un quartier sur une thématique aussi sensible que celle-là. Parce que les gens ne te connaissent pas, ils ne savent pas qui tu es, ce que tu veux vraiment, ce qu'il y a derrière ton organisation, etc. Et enfin voilà, il y a aussi le fait qu'il y a très peu d'horizons, quoi. Les gens voient pas ce qu'ils peuvent vraiment obtenir par rapport à une lutte comme celle-là, par exemple. Et donc voilà, ils préfèrent gérer déjà les autres aspects de leur vie qu'ils ont à gérer. Et le cas d'Amouad, parce que c'est quand même mineur, comme tu as dit, 14 ans, qui ont tabassé, mis en cellule, isolé. Les parents ne pouvaient pas l'avoir accès. Est-ce qu'il y a, dans ce cas précis, est-ce qu'il y a vraiment rien qui est finalement sorti comme quelque chose attaqué en justice ou qui... Allez, est-ce qu'il n'y a rien qui a pu quand même être mis en avant pour quand même accuser le policier d'avoir fait quelque chose ou est-ce que... Où on est aussi avec, parce que c'est toujours pas fini. C'est pas encore fini. Après 5 ans, c'est toujours pas fini. Mais donc, de manière générale, hein, dans des cas de violence policière ou autre chose, il faut récolter un maximum de preuves pour pouvoir porter plainte, etc. Et donc, c'est ce que la famille de Mohad a fait. Hein. Ils ont rapidement obtenu un certificat médical pour les blessures qu'il avait. Ils ont fait des photos. Ils ont contacté un avocat pour voir ce qu'il était possible d'entreprendre. Et donc très vite, en fait, ça a fait très vite du bruit dans la commune. Et donc ils ont même le bourgmestre a voulu rencontrer la famille ainsi qu'avec les chefs de corps de la police, etc. Parce que voilà, c'est une famille qui est connue dans la commune et qui est appréciée par beaucoup de gens et donc ça a fait très vite du bruit en fait. Et donc les autorités ont voulu rencontrer la famille et puis essayer de trouver un moyen de régler l'affaire, quoi. Et c'est quand, à quel moment qu'ils ont effacé alors cette partie d'image qui était d'un camarade dans le commissariat ? En plus, comment ils arrivent à justifier ça ? Mais... Que tout d'un coup, il y a 14 secondes, je ne sais pas quoi, 20... En fait, il y a 12 minutes. Ou 12 minutes, mais oui, c'est 12 minutes qui ont disparu sur une caméra. Effectivement, moi, je n'arrive toujours pas à le croire non plus. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Quand il y a des cas de violence, c'est qu'il y a des images vidéo qui disparaissent, au commissariat ou autre. Mais comment ils arrivent à justifier ? Parce que ça, c'est quand même soupçonné qu'il y a un problème. Donc ici, c'est justifié plutôt... parce qu'ils disent qu'il y a un décalage en fait, de 12 minutes entre les deux caméras qui filmaient d'une pièce à l'autre, quoi, quelque chose comme ça. Et donc, ils disent qu'il y a un décalage de 12 minutes. En fait. C'est un problème technique, c'est ça. Et que donc, en fait, il n'y a pas du tout de vidéo qui a disparu. Mais c'est quand même très gros comme. Comme excuse. Mais ils trouveront toujours un prétexte, de toute façon, pour dire que, bon, il y a un problème technique au fait d'avoir filmé, et puis que, bon, il y a des choses qui disparaissent, mais bon, ils vont toujours trouver une solution pour dire que c'est pas vrai, et que, voilà. À partir du moment où il y a le chef de zone, ou enfin le commissaire, le supérieur en tout cas, qui affirme. Cette version-là, voilà, ça reste la parole d'un officier de police. Oui, c'est la parole d'un officier gradé, de police contre les autres. Oui, c'est voilà, ça, oui. Et donc c'est pour en fait, ça il faut apporter la preuve que bon, c'est, ils ont fait une malversation. Et c'est ça le problème, c'est la difficulté, c'est d'apporter la preuve qu'ils ont fait une malversation à l'intérieur du commissariat. Mmh. Peut-être là on peut parler de Serge, tantôt tu parlais qu'en France qu'il y avait un autre cas où ils ont au plus des images cherché plutôt des témoins. Ouais. C'est ça surtout, en fait donc c'était l'anniversaire de la mort de Lamine, c'était un jeune qui a été tué par un policier lors d'une manif, qui était là au hasard, qui n'était pas participé même pas à la manif, qui a été tué. Et les parents, en fait, expliquaient que c'était eux-mêmes, parce que les camarades ne font partie que de témoignages, mais pas de preuves. Donc c'est eux qui ont dû aller, parce qu'en Europe, les avocats ne font pas d'enquête. Donc c'est eux-mêmes qui ont dû aller faire des enquêtes, ils ont été dans les buildings, aller voir tous les gens qui avaient vu et tout, parce qu'ils devaient avoir des témoins visuels. Et quand ils viennent au procès, en fait, ils expliquent de vive voix, pas par des caméras. C'est vrai, ils ont quand même trouvé 5 personnes et tout. Le policier, quand même, a été fini par être condamné, mais il a été muté avec une promotion. Donc, c'est ça le pire, quoi. Mais c'est surtout, elle expliquait, que les gens à qui ça arrive, il ne faut pas laisser tomber les bras. Il faut continuer. Parce que même si ça prend du temps, parce que chez eux, ça a duré 10 ans, quand même. Hein, 10 ans avant que le policier. Parce qu'il faut savoir que les policiers. Les syndicats des policiers, ils ont des avocats très très forts. Et un avocat, en fait, a l'habitude de devoir défendre. Mais eux, dans ces procès, en fait, ce qu'ils font surtout, c'est attaquer l'autre. Mm-hmm. Trouver des trucs pour attaquer l'autre. Et pas, même pas pour défendre spécialement un policier de ses gestes et tout. C'est vraiment trouver des failles pour attaquer encore plus la famille. Et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment tenir très fort. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que si t'es pas très fort, tu risques de flancher, quoi. Parce que la pression, elle devient très très forte à ce moment-là. Mais du coup, je fais directement le lien avec l'histoire de Mohad aussi, parce que il y a vraiment deux gros parallèles à faire. C'est que le premier, c'est que effectivement, un procès pour violence policière, c'est quelque chose qui dure souvent très très longtemps. Lamine Ding, ça fait 10 ans, Mohad, ça fait 5 ans. Donc c'est ça aussi qui fait que les victimes ne porte pas plainte ou laisse tomber les démarches, c'est que c'est quelque chose de très long, très éprouvant pour la victime et la famille. Et le deuxième, c'est... je ne sais plus. Dans ce cas de Mohad, ce qui m'a aussi frappé énormément, c'est aussi la menace que les policiers ont fait, même après intimidation dans la rue. Après, comme je te connais, donc allez, ça continuait. En plus, comme tu dis, c'est aussi le traumatisme pour le jeune qui, si tu dois toujours en parler, si tu dois toujours être confronté de nouveau avec cette situation, comment continuer ta vie, comment te sentir mieux, c'est... Allez. Désolé pour te... Je sais pas si entre temps tu as trouvé le deuxième axe. Oui, j'ai trouvé. Okay, mais donc, c'est le fait, effectivement, que lors du procès en première instance, comme pour le procès en appel qui a eu lieu ici le 15 juin dernier, en fait, c'est la victime, donc Mohad, qui se fait juger, en fait. Ouais, ça. C'est pas les policiers. Mm-hmm. Les policiers, leurs avocats... attaque vraiment Mohad en le stigmatisant et en première instance il n'y avait pas que les avocats de la partie adverse, donc des policiers, il y avait aussi l'avocat général, donc le procureur, et le juge lui-même, en fait, qui s'en prenait à Mohad, en fait. Il le jugeait véritablement. Il lui parlait de manière irrespectueuse, insultante. T'as 14 ans, quoi. Il disait, ouais. Entre-temps, il a 19. Il faisait vraiment son procès. Ouais. Oui, maintenant, il a 20 ans. Ouais. Hein, mais, ouais. Il faisait vraiment son procès en disant, t'avais des mauvais résultats à l'école. On a trouvé une photo Facebook avec toi dessus et d'autres jeunes du quartier. On dirait une bande avec des chiens méchants. Nanani, nanana. Oui, ils vont trouver tous les arguments possibles pour pouvoir discréditer. Alors que ça n'a absolument rien. Oui, c'est vrai, c'est pour le discréditer. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Quoi. Je veux dire, même qu'il soit un élève exécrable au niveau des cotes et exécrable au niveau du comportement, ça n'existe en rien le fait qu'il ait pu être victime de violence policière. Mm-hmm. De même s'il a des mauvaises fréquentations, quand bien même il en aurait, si lui-même effectivement aurait, ce qui n'est pas du tout le cas, eu auparavant des problèmes avec la justice ou quoi que ce soit, c'est pas pour ça que quelqu'un peut subir des violences policières et qui doit d'office être discrédité. Parce qu'il a, je sais pas moi, un passé de délinquant ou quoi que ce soit. Ce que je répète n'est pas du tout le cas. Hein. Moi, il est inconnu des services de police. Il a jamais rien fait, jamais été soupçonné de quoi que ce soit avant. De quoi que ce soit avant, condamné quoi que ce soit, ni rien. Mais donc effectivement, après coup, après l'histoire, après qu'il ait porté plainte, etc., ben, il a subi des intimidations, des menaces des policiers en question. Et par la suite, des années après, ben, en fait, on a essayé plusieurs fois de vraiment le discréditer en voulant le faire tomber pour des histoires de vol, etc., de GSM, je sais plus quoi. Alors que c'est de nouveau des trucs où il avait rien à voir, quoi. Les faits pour lesquels il a été entendu, il n'était pas du tout à cet endroit-là, à ce moment-là, ni rien. Enfin, ils essayaient vraiment de le salir. Ouais, vraiment pour le discréditer, quoi. Ça, c'est les tactiques de l'État et de la police, hein. En général. Ouais, mais c'est quand même long, dur, toute sa jeunesse, quoi, tu vois, c'est quand même... Et là, maintenant, il a 20 ans, et dans quel état d'esprit il peut être, justement, après ce lourd combat, parce que c'est quand même assez important, un combat comme ça, à 20 ans, qu'est-ce qu'on peut attendre de la société, qu'est-ce qu'on peut attendre de... est-ce que... Mais, encore une vous fois... Vous restez toujours en contact avec eux? Oui, tout à fait. Ben donc, comme j'ai dit, hein, il y a eu le procès en appel ici le 15 juin. Il y aura le rendu du verdict le 21 septembre 2018. Donc oui, effectivement, on est toujours là. Mais ce que je voulais dire, c'est que à travers le cas de Mouad, en fait, c'est un cas emblématique. C'est le cas de Mouad, c'est ce que plein de jeunes subissent, que ce soit à Bruxelles ou d'autres grandes villes de Belgique, ou plus rarement des plus petites villes, et de manière générale partout dans le monde, hein, les violences policières, c'est un phénomène. Et les mensonges, ça je trouve le pire, quand tu vas en justice, les mensonges qu'ils font, vraiment clairement, ouvertement, dire le contraire, comme tu dis, hein, ouais. Et donc, que ce soit moi ou d'autres, c'est compréhensible que ils n'ont aucune confiance en la police, en la justice, en les institutions. Et en fait, ils ont du mal à vivre sereinement et à s'imaginer construire une vie normale ici. Mmh. Parce que ils sentent que il y a rien qui est là pour eux, quoi. Tout est contre eux, en fait. Parce que ça aussi, hein, parce que aussi les insultes, la police a utilisé, c'est aussi très visé. De ça, vous en parlez aussi, hein, donc le racisme vraiment contre l'arabe. Allez. C'est vraiment des choses qui sont assez visées sur la population migrante, soi-disant, en Belgique, dans la société en général. Donc c'est aussi ça, non ? C'est ce senti-là aussi qui sont vraiment exclus, visés, mal vus. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est clair que de manière générale dans la société et face à la police, à la justice, ouais. C'est les populations racisées en Belgique, hein, principalement noires et arabes, c'est eux qui sont visés, et c'est eux qui sont touchés, hein, par la répression policière. Tout le contrôle aussi. Mais voilà, ça touche principalement les quartiers populaires. Les quartiers populaires à Bruxelles, c'est qui y vit. Ben, ce sont majoritairement des populations d'origine immigrée. Hein. Mm-hmm. Et donc oui, c'est vraiment eux qui sont les premières victimes, hein, de la violence policière de manière générale, de la répression d'État. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, ça fait deux fois que le Maroc joue la ville était plein de flics. Ouais, dispositifs. Hein. Ouais. Des dispositifs, c'était énorme. Hein. Ouais, mais c'est ça. Et c'est vraiment spécifique. Quoi, hein. C'est quand, quand ils jouent, l'équipe y a pas eu d'autres, du Maroc joue que... Allez, on ferme les stations de tram dans le centre. On a un dispositif, je pense, de 400 policiers qui sont déployés. C'est continuer constamment, en fait, de stigmatiser les populations. Exactement. Qui sont déjà le plus constamment stigmatisées dans la société à tous les niveaux, quoi, que ce soit... Mais aussi les provocations, hein, parce que c'est aussi vraiment, vraiment vouloir mettre... provocer pour qu'il se passe quelque chose, pour après dire, ah ben voilà, on avait quand même dit... qui vont déborder, c'est quand même, ouais, c'est... Ouais, c'est ça. C'est sans cesse voir des flics dans son quartier, sans cesse voir qu'ils nous regardent de travers, qu'ils nous contrôlent sans cesse, alors qu'ils savent très bien qui on est. Venir nous trouver quand il y a eu un vol ou quoi que ce soit, en pensant que c'est nous... Enfin, c'est toutes des histoires comme ça. Et encore, là, c'est que verbal, mental, mais c'est aussi les baffes, les passages à tabac. Bon, en Belgique, il y a moins de morts qu'en France, par exemple, pays voisin, tués par la police, mais non, il n'empêche que ça arrive. Et donc voilà, après, c'est clair que après quand on croise des flics, ça met pas en confiance, ça amène une certaine tension, quoi. Et en fait, pour faire le lien avec notre manifestation du 15 mars qu'on organise chaque année, enfin même de manière générale, quand on organise un événement Stop Répression pour dénoncer telle ou telle répression. Nous, notre position, c'est toujours de revendiquer qu'il n'y ait pas de présence policière quand on organise quelque chose, parce qu'on dénonce des faits de violence policière. Et on sait que la présence de police, en fait, amène de l'attention. Les seules fois où il y a eu des problèmes lors de notre manifestation du 15 mars, c'est quand il y avait des policiers à proximité de la manifestation. Ouais. Ou à la fin, ou... Ouais. Non. Qui se montraient quand même. Ouais. Ouais. Donc, voilà. C'est la preuve de... C'est la provocation. De... Quoi. Provocation, c'est... ouais. C'est exactement ça, hein. Je veux dire, quand... Allez, même quand ils sont en civil, hein, parce que je veux dire, la plupart des gens, on les repère très facilement, parce qu'ils... Enfin, ils sont... Ils sont visibles, en fait. Mais voilà, nous, on a déjà eu aussi des jeunes qui se sont fait menacer avant le départ de la manifestation en disant « Ah, si tu participes à la manifestation, tu vas voir, on va te retrouver, on va te faire ta fête. » Des trucs comme ça. Des gens qui se sont arrêtés avant même le départ de la manif parce qu'ils s'éloignent un petit peu, faire une course ou quoi, juste avant la manif, et on les revoit plus. C'est des histoires comme ça. Ou aussi... le fait que on est la plupart du temps, en fait, hein, en tout cas pour cette manif-là, on est en contact avec la police parce que eux nous contactent parce qu'ils voient qu'on organise un événement et tout. Nous, notre position, c'est qu'on ne fait pas de demande d'autorisation pour cette manifestation, mais on accepte de rentrer en contact, enfin de discuter avec eux quand eux rentrent en contact avec nous. Pour faire en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde lors de la manifestation, parce qu'on n'a pas envie non plus d'amener plus de danger que ce qu'il n'est aux gens qui participent. Et donc on accepte de la rencontrer et de discuter des modalités pratiques de la manifestation. Mais clairement, notre demande est toujours la même, c'est qu'il n'y ait pas de présence policière à proximité, du début à la fin. Et ce qui est déjà arrivé plusieurs fois, c'est que à la fin de la manif, ils nous attendent avec tout un dispositif de fou, quoi, avec les chiens, les autopompes, etc. Alors que la manifestation s'est très bien déroulée, il n'y a eu aucun incident de quelque sorte que ce soit, mais à l'arrivée, ils nous attendent avec tout ce qu'il faut pour mettre à mal la manifestation. Heureusement, on s'organise pour que ça ne dégénère pas. Et donc, on a des éclaireurs lors des manifestations qui nous disent il ne faut pas aller jusqu'au bout parce qu'ils nous attendent. Quand même, la dernière fois, je me dis « Waouh, quel trajet vous avez pu faire dans les quartiers populaires. La manif passe... dans des endroits où, si tu demandes une autorisation, la police ne veut jamais autoriser la manif par là parce que sinon, soi-disant, ça peut provoquer des émeutes et tout ça. Mais quand même, avec votre manif, vous arrivez à passer les quartiers populaires. Allez, surtout la dernière, on n'a pas vu visuellement autour pas de police et le trajet était... assez long, assez chouette, en quartier. Allez, tu vois. Merci. Non, mais oui, tu vois, c'est quand même... C'était étonnant. Je me disais, bon, on passe au Molenbeek, on passe ici, on passe par là, on passe à Naissance, on passe... Allez, tu vois. Le trajet de la manif ici en 2018, effectivement, était assez long, comme en 2017. Et c'est la deuxième fois, effectivement, qu'on se dirige en traversant Molenbeek. Il laisse passer. Peut-être. Pour l'instant. mais c'est clair que. Mais encore une fois, on les a rencontrés. On a fait une réunion avant pour discuter des modalités pratiques. Et ils nous disent OK, vous voulez pas de présence policière, mais alors vous. C'est vous qui devez gérer la circulation, etc. C'est pas quelque chose d'évident, etc. Bon, effectivement, hein, c'est toute une organisation et c'est très stressant. Mais on pense effectivement que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. On peut pas se faire encadrer, guider par la police lors d'une manifestation contre les violences policières. Ça n'a absolument pas de sens. Donc encore une fois, hein, c'est la deuxième fois qu'on faisait approximativement ce parcours-là. Ça s'est très bien déroulé. Hein. Pas de raison que... Et c'est le choix qu'on a fait encore cette année, c'était de passer effectivement dans les quartiers parmi les plus touchés, en fait. Hein, et quel impact par rapport à la population De cette manif Ça dépend, en fait. Hein. Il y a des gens qui... Bon, allez, on essaye de passer hein, au préalable dans les quartiers où on va passer sur le trajet pour prévenir les gens effectivement qu'on organise cette manifestation, etc. On les invite à participer. De manière générale, c'est très bien reçu. Les gens sont d'accord avec le message. Ils comprennent qu'il y a des violences policières. Maintenant, il faut être réaliste. Il y a encore très peu de mobilisation par rapport à ça, hein, de manière générale. Hein. De participants à la manif, tu veux dire? Oui, de participants à la manif, de participants aux événements militants de manière générale, enfin, le fait de s'organiser tout court. Oui, mais une manif contre les violences policières, est-ce que ça peut bloquer les gens en disant si on se met à l'intérieur d'une manif comme ça, on risque assez gros parce que la police, c'est notre lieu quotidien, quoi. C'est les gens qu'on rencontre tout le temps et qui nous menacent tout le temps. Et est-ce que c'est pas justement un blocage par rapport à ça? Je pense que oui, je pense que quand on a rencontré des gens, ça c'est déjà arrivé effectivement ce genre de position. Voilà, nous on essaye de rassurer les gens à ce niveau-là, parce qu'en soi, enfin, les gens qui participent à cette manif sont pas identifiés à moins que ils passent sous une des caméras qui passent à ce moment-là. Lors de l'événement, mais ça, c'est très rare que, à mon avis, qu'il y ait des gens qui peuvent avoir des représailles après avoir participé à une manifestation parce qu'ils ont été identifiés par des policiers. Je pense pas que. Je pense même pas en fait que les policiers ils vont jusque-là quand. Tu dis juste avant et après la manif, ça peut arriver, certains jeunes, comme tu dis tantôt, sont visés ou sont menacés. Oui, ouais. Par des policiers qui sont à proximité. Et qui reconnaissent peut-être. Ou qui voient simplement des jeunes, qui sont près du lieu de rassemblement pour le départ de la manifestation et qui ils se disent, voilà, mais toi, t'as pas intérêt à y aller. À y aller. Mais je pense que... les flics n'ont pas besoin de viser les gens qui participent à la manif. Ils ont déjà leur cible dans tel ou tel quartier. Je pense pas qu'ils ont... Peut-être plus les organisateurs. Oui, c'est ça. C'est ça que je me demande. Moi, je voulais savoir une chose. Là, par rapport à tous les problèmes de terrorisme qui a été vécu ici, en Belgique et ailleurs. Je voulais interrompre. Peut-être encore une petite musique avant qu'on lance... ce sujet-là, s'il y a moyen, parce qu'il a emmené plein de musique, et je vois que c'est déjà presque 10 heures. Sinon, c'est dommage qu'il a cherché la musique. Et aussi pour les auditeurs et auditrices qui veulent prendre une pause. Ouais. On y va ? Oui. De ces derniers continuent à m'emmerder, non. Un de ces quatre, un jour sur eux, ça va péter. D'aller m'en rire, reviens, tchat. L'état et la police me vénèrent, ils me tapent sur les nerfs. Si t'es d'accord, lève ta main haut dans les airs. Si tu n'aimes pas l'école pop, si tu sais qu'ils sont fort pop, je veux t'entendre crier, je suis vénère. Je dis que la police me vénère, ils me tapent sur les nerfs. Si t'es d'accord, lève ta main haut dans les airs. Si tu n'aimes pas l'école pop, si tu sais qu'ils sont fort pop, je veux t'entendre crier, je suis vénère. La police me vénère, et un jour ça va péter dans leur gueule. Un policier c'était bête quand il se retrouve sans son gun. Si mon fils agresse un policier, ce sera pas pour le fun. Ah ouais. Sordi fada, sordi son, sordi son. Écoute cette histoire, je rentrais chez moi. J'avais un spliff à la bouche et un keuf mathéma. Il s'est rapproché vers moi, m'a demandé mes débats. Je savais pas, j'y ai répondu, je sais pas. Il m'a dit c'est quoi ça, vous fumez de la ganja. Et si c'est interdit, je dois vous arrêter pour ça. En plus vous êtes noir, et moi je n'aime pas ça. Ce soir vous allez au poste et vous dormez là-bas. Je lui ai répondu, ouais ferme là. Je suis pas ce que tu crois, la seconde qui suivit le cœur s'est retrouvé terre. Pas le temps qui réalise ça, j'avais déjà ses draps. Juste un rastaman, mais faut pas me prendre pour un âne. J'ai mes métiers, mais j'éclique la police. J'ai mes métiers, mais j'éclique la justice. J'aime pas les juges et les procureurs, ce sont tous des fils corrompus. Ils font rien pour les jeunes de la rue, yo. Donne-moi mon micro que je les tue. L'État et la police me vénèrent, ils me tapent sur les nerfs. Si t'es d'accord, lève ta main haut dans les airs. Si tu n'aimes pas l'école morte, si tu sais qu'ils sont fort comme. Je veux t'entendre crier, je suis vénère. Je dis que la police me vénère, ils me tapent sur les nerfs. Si t'es là qu'on lève ta main haut dans les airs. Si tu n'aimes pas l'école pop, si tu sais qu'ils sont fort pop. Je veux t'entendre crier, je suis vénère. La police me vénère, elle me rend aigri. Tous les jours un jeune meurt, c'est par un keufi. La police me vénère, elle me rend aigri. Encore une maman qui va pleurer toute la nuit. Quand je pense au rollback, je suis vexa. J'aime pas leur style, j'aime pas comment ils flexa. Je j'aime pas dans les ghettos, ils s'approprient les testa. Hey, yo, ça va, moi c'est pas la fête. Plus ma femme famille et je te coupe ta tête. Je tue dans les ondes et je te tue en répète. Je suis Danny Mori et je suis pas une tapette. Il t'emmène Stobo parce qu'il aime pas ta tête. Certains policiers aiment jouer avec leurs gâchettes. Ils arrêtent les dealers et prennent toutes leurs recettes. Prennent tout sur eux et là même les pépettes. Aucun respect pour toi, ils ne te laissent que les miettes, que les miettes. La police me vénère, elle me rend aigri. Tous les jours un jeune meurt, c'est par un quevil. La police me vénère, elle me rend aigri. Encore une maman qui va pleurer toute la nuit. Et la police me vénère, il me tape sur les nerfs. Si t'es d'accord, lève ta main haut dans les airs. Si tu n'aimes pas l'école morte, si tu sais qu'ils sont fort fort, je veux t'entendre crier, je suis vénère. Je dis que la police me vénère, il me tape sur les nerfs. Si t'es d'accord, lève ta main haut dans les airs. Si tu n'aimes pas l'école morte, si tu sais qu'ils sont fort fort, je veux t'entendre crier, je suis vénère. Pour les cœurs frappés, vous déjà écrit qui se dit. Et ces derniers continuent à m'emmerder, yo. Un de ces quatre, un jour sur eux, ça va péter. Danny Mori revient, Jack J, so missing again. Pour les cœurs frappés, vous déjà écrit qui se dit. Et ces derniers continuent à Voilà, donc nous sommes toujours sur Strange d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Donc je voulais poser une question, c'était par rapport justement à tout ce problème du terrorisme qui existe maintenant depuis un petit moment ici à Bruxelles et ailleurs dans d'autres villes ou en Europe ou ailleurs, mais principalement en Belgique. Où on a installé un système complètement sécuritaire à tous les niveaux, parce que bon, il y a les flics, mais il y a aussi l'armée qui est toujours présente dans les rues et tout. Et moi, je voulais savoir quelles sont pour vous les difficultés les plus importantes, justement, pour essayer de ne pas se faire être considéré par certains organismes d'État, peut-être aussi comme des terroristes, parce que vous défendez une certaine position ou une certaine campagne contre les violences policières. Enfin, je sais pas, c'est ce que je veux. Est-ce que ça a beaucoup plus de difficultés pour vous pour justement faire valoir vos campagnes et tout ça? C'est clair que la lutte antiterroriste ici en Belgique représente un grand pan de la répression ces trois dernières années. Il y a vraiment des choses incroyables qui ont été mises en œuvre. Il y a deux séries de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Une première série de 12 mesures, puis une série de 18, je pense, si je ne m'abuse. Dans le cadre donc de la lutte antiterroriste, il y a notamment ici à Bruxelles donc le plan Canal, quelques exemples de mesures, mais donc il y a effectivement des militaires dans les rues dans plusieurs grandes villes de Belgique. Il y a 100 000 contrôles de résidence qui ont eu lieu rien qu'en un an en 2016 dans 4 communes. Plus d'autres contrôles dans d'autres communes. Il y a eu énormément de fermetures d'ASBL, principalement dans Molenbeek, mais dans d'autres communes aussi. Principalement des associations musulmanes, des mosquées, et de manière générale des ASBL qui travaillent avec une population musulmane, que ce soit avec des migrants, que ce soit avec des jeunes. Il y a la loi sur la déchéance de nationalité qui est arrivée. Ça veut dire quoi, la déchéance de nationalité? C'est supprimer la nationalité de quelqu'un pour faire terrorisme. C'est ça. Mais donc, ça ne concerne évidemment que les binationaux. Hein, donc, c'est quelqu'un qui est, par exemple, belgo-marocain, qui a la nationalité belge et la nationalité marocaine. Condamné pour terrorisme, mais il sera déchu de sa nationalité, donc il sera plus belge en fait, il sera plus que marocain. Ouais. C'est une double peine en fait, parce que quelqu'un qui est entre guillemets pur belge, blanc, qui n'a pas une autre nationalité, ben lui, il sera pas déchu de sa nationalité forcément. Il sera juste entre guillemets juste. Il aura une peine de prison, etc. Mais il aura une pas. Carte à nationalité. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est complètement injuste en fait, parce que quelqu'un qui est binational, c'est pas forcément un étranger quoi. C'est quelqu'un qui parfois est né en Belgique, qui est là depuis la quatrième génération. Enfin, c'est en fait un pur belge, hein, sauf qu'il n'est pas blanc et qu'il a une double nationalité. Mais donc, c'est complètement injuste, quoi. Ça met vraiment, en fait, certaines tranches de la population en tant que citoyen de seconde zone, quoi. Mais ils viennent d'appliquer, mais là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Ils viennent d'appliquer avec un jeune. Ouais, ouais. Ils vont même l'expulser, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais en fait, depuis 2009, il y en a eu des changements de nationalité. Mais ici, ça c'est revenu, entre guillemets, sur la table dans le cadre de la lutte antiterroriste. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui commence à avoir lieu et qui probablement malheureusement va de plus en plus avoir lieu, quoi. Et une autre loi qui est passée qui a été mise en œuvre par Theo Franken, c'est la loi de déportation. Donc ça, c'est pas directement dans le cadre antiterroriste, mais qui donc permet de virer du pays des gens qui n'ont pas la nationalité belge, mais qui peuvent très bien être nés en Belgique, qui peuvent très bien avoir des enfants scolarisés nés en Belgique, et donc ils peuvent les virer pour des simples faits de troubles à l'ordre, risque de troubles à l'ordre public, comme risque de troubles à l'ordre public, donc ils n'ont pas de preuves, oui. Comme par exemple, je sais pas moi, une excès de vitesse. Oui, voilà, excès c'est de ça. Vitesse, simplement. Un manquement au code de la route, etc., ou une participation à une manifestation, etc. C'est que c'est des choses très minimes et qui en fait c'est très flou comme motivation pour pouvoir appliquer une telle mesure, envers des gens qui peuvent avoir leur vie et toute leur vie ici, quoi. Et donc qu'est-ce que tout ça a comme conséquence, c'est que il y a des centaines de milliers de familles qui sont traumatisées, ça entraîne un repli sur soi, etc. Et donc il y a plein de familles qui pendant des mois ne sont pas sorties de chez elles, etc. Après le traumatisme qu'elles ont subi dans ce cadre-là. Je fais le lien avec ce qui s'est passé en novembre ici à Bruxelles lors de la victoire du match du Maroc avec les soi-disant émeutes qui ont eu lieu à Bruxelles. Nous, on a pris connaissance de ce qui s'est passé. On a dénoncé en fait la répression qui a eu lieu et qui pour nous est clairement qui a été provoquée par la police. Et donc on a voulu organiser un rassemblement dans ce camp-là de Bruxelles, et en fait on s'est fait complètement interdire. On a voulu deux fois organiser ce rassemblement à deux moments différents, et la ville de Bruxelles nous l'a interdit. En disant que c'était dangereux, que c'était pas le moment, etc. Je fais le lien, même si c'est pas du tout un cadre direct de la lutte antiterroriste, mais c'est des conséquences, quoi. C'est le climat en fait sécuritaire qui est vraiment instauré depuis 2015, et donc petit à petit les libertés se réduisent. Il y a plus en plus d'interdictions, tu veux dire, de rassemblements, plus de en manif, plus d'interdictions, la tension au monde de manière générale, des manifestations qui sont complètement pacifiques, les gens marchent calmement, ça se fait directement arrêter, encercler, etc. Mais il y a qu'à voir les manifestations des femmes qui font leur manifestation Reclaim the Night, où elles sont depuis au moins 2 ans, même 3, je crois, elles sont l'objet de violences assez importantes de la part de la police, quoi, alors qu'elles ne font que se manifester pour dire on veut avoir l'espace pour nous. Et ça, c'est vraiment symptomatique de cette ambiance qui règne actuellement. Ouais, tout à fait. Et alors, nous plus précisément, on nous dit, dans vos réseaux, les gens qui participent à vos événements, vos manifestations, il y a quand même des anarchistes, c'est des gens d'extrême gauche, etc. Nous y voilà, les anarchistes encore là. On voit que ça reste un des groupes sociaux, on va dire, qui fait peur à l'État. Quoi. Ouais, ouais. Alors qu'ils sont pas très nombreux, les anarchistes. Mais ils pourraient le devenir. Hein. En tout cas, pas de manière visible. Oui, c'est pas ça, de manière c'est visible. Ça que je voulais dire aussi. Mais en fait, ils pourraient le devenir, hein, très nombreux, si ça continue comme ça. Il faut espérer, en tout cas. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez fou, parce que je pense que pour vous, ça doit être hyper compliqué, justement, de pouvoir travailler d'une façon un peu plus sereine au niveau de tout ce qui se passe. Quand il y a des ambiances où de toute façon c'est comme ça et puis c'est pas autrement quoi. On nous impose une espèce de tout sécuritaire où ce que je comprends pas, c'est que les gens ont l'air de, en général, la majorité des gens font pas attention à ça en fait. Bon, il y a des caméras partout, Mais ils trouvent ça bien, c'est ça le problème. Ah ouais, ils trouvent ça même bien et ils sont très contents qu'il y a de la militaire dans la rue. Ils se sentent en sécurité. Tout ce débat là. Est-ce que vous organisez des débats sur ce genre de questions, ou même avec la théâtre action, parce que j'ai vu que de temps en temps vous faites aussi théâtre action dans la rue. Quelles sont les remarques que vous recevez des gens De manière générale, on a déjà organisé effectivement des débats, des discussions sur les violences policières de manière générale. On n'en a pas organisé précisément sur le nouveau cadre antiterroriste qui est mis en place. Et on a fait effectivement, on a commencé en fait ici cette année, enfin en 2017, des modes d'action comme des théâtres actions, effectivement, où on essaye de sensibiliser les gens dans la rue par rapport à des mesures complètement ahurissantes qui sont mises en œuvre et qui sont complètement discriminantes. Et que ce soit pour ça ou de manière générale, pour les violences policières, c'est un peu les deux. Il y a un peu deux avis contraires qui ressortent. C'est oui, vous avez tout à fait raison, c'est inadmissible, c'est pas normal que ça vise tout le temps les mêmes personnes et que ça s'aggrave, etc. Et à l'opposé, effectivement, des gens qui se sentent plus en sécurité de savoir qu'il y a plus de police, de voir qu'il y a des militaires en rue, etc. Dans une même commune, par exemple à Molenbeek ou à Anderlecht, qui sont deux communes très populaires. Il y a ces deux visions-là, ces deux ressentis-là qui s'opposent. Et moi, quand je rencontre effectivement des gens qui pensent plus comme la seconde pensée, j'essaye de rentrer en discussion avec eux par rapport à ça, quoi, de voir en quoi, enfin, d'essayer de leur faire comprendre en quoi ce que elles considèrent comme de la sécurité représente de l'insécurité pour pas d'autres. Tout un tas d'autres personnes. En prenant des cas concrets, quoi, de montrer les conséquences que ça entraîne. Parfois ça marche, parfois ça marche. Ouais, c'est ça. Allez, je pense que faut essayer en tout cas. Parce que les gens n'y pensent pas forcément, parce qu'ils restent dans la vision de leur réalité qu'ils vivent. Mais si on arrive avec des exemples concrets de ce que vivent tout un tas d'autres personnes, ils peuvent commencer à réfléchir, à se rendre compte que c'est pas tout lisse comme ce que eux pensaient. Effectivement, c'est le revers de la médaille. Quoi. Et donc, à part tout ce que vous faites, les activités, tout ça, c'est tout annoncé dans le site, mais apparemment. Vous avez aussi un Facebook, non ? C'est ça ? Oui, et donc, enfin, je pense que c'est comme ça de manière générale. C'est toujours le compte Facebook qui est plus actif que le site internet. Oui, mais le problème, c'est que le compte Facebook, il noie complètement le site internet. Et finalement, pour ceux qui n'ont pas Facebook, comme moi, par exemple, ou comme toi, des fois, il faut aller chercher ailleurs pour avoir des informations. C'est ça. Le site est moins vite mis à jour, donc c'est plus les trucs. Non, mais je peux comprendre que ça soit important, le système de communication qui pour vous est le plus facile, si vous voulez, mais parce que bon, ça donne accès à plus de gens que peut-être le site internet. Mais c'est vrai que c'est moi je suis tout à fait anti Facebook. C'est tout à fait compréhensible, mais c'est clair, malheureusement. Il y a, comme tu dis, il y a encore énormément de gens sur Facebook, et donc c'est effectivement un moyen facile d'être visible et d'y accéder. Et donc, sur le Facebook, on partage des trucs d'actualité et tout qui parfois se passent en France ou aux États-Unis et qui, du coup, ne sont pas répertoriés dans le site internet qui, lui, se concentre plus sur ce que nous on fait vraiment pratiquement. On peut peut-être rappeler les deux adresses, enfin les deux mails. Yes. Les contacts. Le site internet, c'est stop-repression.be. L'adresse mail, c'est stop.repression.be@gmail.com. Et la page Facebook, c'est Campagne Stop Répression. Ok. Et tantôt, tu avais aussi parlé des formations. Quand vous organisez ça, c'est aussi c'est sur la page Facebook ou c'est comment? Et vous avez déjà fait une ou est-ce qu'il y a plusieurs qui vont suivre ou, En fait, on avait lancé une date. Pour une première formation, mais qu'on a laissé tomber. Déjà, premièrement, parce qu'en fait, on n'a pas eu d'inscrits, parce qu'il fallait s'inscrire par mail. On n'a pas eu d'inscrits. Secondement, parce qu'on veut prendre le temps vraiment de mettre vraiment sur pied cette formation, pour que ce soit vraiment... intéressant quoi, pour les participants et que ce soit vraiment formatif quoi, qui les gens sortent de là vraiment en pouvant mettre en place une équipe de co-watching, parce que c'est ça l'idée, c'est que c'est pas juste des gens qui viennent individuellement se former et puis essayer de trouver des gens pour faire ça avec eux. L'idée c'est que c'est vraiment des teams, des équipes qui se créent, qui se forment ensemble pour pouvoir agir. Et donc, parce que voilà, il ne faut pas se lancer comme ça à vouloir filmer la police à tel ou tel endroit. L'idée pour que ce soit vraiment efficace, c'est... et donc c'est pour ça qu'on pense la formation sous deux aspects, sous deux formations avec un tronc commun en fait. C'est... qui est des comités de quartier en fait, qui se créent et qui utilisent le cop-watching comme outil pour lutter contre la répression que le quartier en question subit. Et donc, logiquement, il faut que ce soit des gens du quartier en question qui y vivent, qui s'organisent localement. Et le second aspect, c'est en fait... C'est faisable aussi et c'est, à mon sens... nécessaire aussi, c'est des teams qui se créent pour agir lors d'événements militants, de manifestations ou autres, et qui est donc des teams de co-watching qui puissent suivre les manifestations et faire attention si effectivement il y a des attaques de la police qui se font. Ok, donc... Et donc, pour les formations, il y aura... Un appel. Il y aura des appels, il y aura des événements Facebook qui seront faits, etc. Mais clairement, on veut que ce soit vraiment enrichissant, que ce soit vraiment... dynamique. Et donc, on veut faire ça en groupe restreint, donc de 8 à 10 participants. Mmh. Et donc, pour bien faire, que ce soit des teams déjà créés ou que ce soit en tout cas des gens issus d'un même milieu, d'un même quartier ou d'un groupe affinitaire ou d'une organisation, etc. Qui puissent se former ensemble, quoi. Et pas des individus dispatchés qui se retrouvent ensemble à une formation qui ne vont pas s'organiser ensemble, en fait. Ouais. Ok. Donc, d'abord, la mobilisation à faire. Oui. Et faire, ouais. Parce que c'est vrai, à part de ça, mais c'est aussi votre campagne, je pense, qui en fait des fascicules. Fascicules, quand même, sur le filmer la police, droite de filmer la police ou, ça, c'est... C'était... pas nous qui en avons fait un, c'est Opspol, collectif Opspol, qui est issu de la Ligue des droits de l'homme, et donc qui a un site internet et qui recense notamment donc les cas de violence policière. Et donc effectivement, ils ont fait un petit fascicule assez sympa qui reprend en fait le côté légal en fait de filmer la police, quoi, qui explique bien clairement ce que tu peux faire et ce que la police n'a pas le droit de t'interdire de faire, etc. Mais ça plutôt pour toucher individuellement au cas où que tu es confronté ou oui. tu vois quelque chose oui. Que tu peux agir, ouais. C'est ça. Ok, mais je sais pas si y a encore quelque chose de pertinent que tu veux encore rajouter, que tu dis, je voulais vraiment parler de ça et on a pas pris le temps. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Allez, voilà, de manière générale, la répression augmente dans tous les milieux, hein, que ce soit la répression des quartiers, la répression des mouvements sociaux. On voit notamment avec les syndicalistes que dès qu'il y a un piquet de grève, y a des huissiers accompagnés de flics qui viennent sur place, etc., et qu'il y a des astreintes très coûteuses qui sont attribuées à des grévistes. Et donc, on est tous susceptibles un jour de subir la répression plus ou moins gravement. Et donc, j'invite effectivement les gens à prendre conscience de ça et à s'organiser. Et à s'organiser localement ou affinitairement. Par rapport à ce qu'ils peuvent subir ou à ce qu'ils voient et qui se solidariser envers les personnes qui sont touchées parce que par exemple les collectifs de sans-papiers ou les migrants, les réfugiés à la gare du Nord, c'est pas eux qui vont s'organiser à faire du cop-watching ou ça, c'est sûr. Ou autre pour lutter contre les violences qu'ils subissent. Hein. Ils sont déjà super... Surtout qu'ils ont peur, en plus. Ouais, ouais. Plus, ils ont peur de pouvoir suivre des formations comme ça, parce que bon, ils savent qu'ils sont de toute façon la cible des policiers qui peuvent les arrêter à tout moment et les emmener en centre fermé. Donc, ils font des choses, mais ils font pas des choses aussi militantes. Quoi. Non, non, c'est clair. Mais c'est clair, ils sont déjà tellement dans des situations... dangereuse que donc c'est plus du coup ce serait plutôt alors des militants ou des citoyens qui voudraient les soutenir et donc être là par exemple en soutien lors de manifestations des sans-papiers ou en soutien à la gare du Nord ou au parc Maximilien en soutien aux réfugiés qui sont là. Voilà, c'est bien pour faire l'appel pour tout ça. Et voilà, j'espère que les gens nous écoutent et même vous allez en parler encore de plein d'autres occasions, je suppose, mais je trouve l'idée de formation, c'est bien. Ouais. C'est nécessaire, je pense, pour pouvoir s'organiser et pour... Je pense que c'est que comme ça qu'on pourra vraiment efficacement agir. Parce que, faire des manifestations, faire des actions, etc., c'est bien pour visibiliser la problématique, etc. Mais c'est pas ça qui va faire que les violences policières vont vraiment diminuer. À part si on est 1 million dans les rues de Bruxelles, un jour, quand la violence policière... Ce que je C'est les actions directes sur place. C'est vraiment au moment même. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Ok, mais bon, on peut encore jouer encore un morceau de musique parce que tu en as amené plein, peut-être, je suppose, mais on a oublié de passer. C'est souvent quand on est en discussion, on oublie le temps. Encore une alors. Voilà. On fait encore une et après on fait l'agenda. C'est à l'état que je m'attaque. Les lois sont mal faites, les politiques entendent des plaques. Pas question de menottes, il suffit d'une enveloppe. Tu sors les mains propres et en plus par la grande porte. En quelque sorte, une justice à deux vitesses. Si je m'en sors, mon ami c'est de justesse. Des frères sont tombés, à l'ombre ont sombré. Une pensée pour eux, faut pas les laisser tomber. Ne mens pas, t'es corrompu jusqu'à l'os. Au box, office des pourris, on peut dire que tu fais office de boss. N'abuse pas, excès de zèle, car tu prends des ailes. Je te mets à la mentelle, une contractuelle. Assassin de la police, regarde les hommes en bleu, ils sont en plein effet dans la rue. Assassin de la police, regarde les hommes en bleu, ils sont en plein effet dans la rue. Assassin de la police, regarde les hommes en bleu, ils sont en plein effet dans la rue. Assassin de la police, regarde les hommes en bleu, ils sont en plein effet dans la rue. Je m'applique dans un combat contre les flics, micro à la main, bavure, dérapage, barrage, opération, coup de poing. Le quotidien des quartiers, pas à côté des quartiers qui valent rien. Côté de quoi la police en profite mais ne craint rien. Les médias mènent le jeu, les nœuds je mets le feu est vite éteint quand la police intervient. Assassin de la police, la chasse aux clandés est ouverte, vigie pirate à rouge, alerte au fur et à mesure. Ils commettent des bavures, les frères on en marre, vont tout casser, j'en suis sûr. Abus de pouvoir, délit de faciès, avant que cela ne cesse, de l'eau coulera sous les ponts, l'espoir est notre seule richesse. Où, ils étaient où? Quand t'as besoin d'eux, ils sont jamais au rendez-vous. Assassin de la police, regarde les hommes en bleu, ils sont en plein effet dans la rue. Assassin de la police, regarde les hommes en bleu, ils sont en plein effet dans la rue. Assassin de la police, regarde les hommes en bleu, ils sont en plein effet dans la rue. Assassin de la police, regarde les hommes en bleu, ils sont en plein effet dans la rue. DJ Kid sur le mix. Regarde les hommes en bleu, regarde les hommes en bleu, regarde les hommes en bleu, ils sont en plein effet dans la rue. Regarde les hommes en bleu, ils sont en plein effet dans la rue. Voilà, donc on est de nouveau sur Tranche d'Anard. Alors on va juste terminer avec notre invité sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ce matin, il y a eu des activistes qui ont voulu rentrer sur le chantier qui doit construire ce centre fermé pour les familles, qui fait beaucoup de bruit actuellement parce que bon, plein de gens se révoltent contre ça. Et vous avez été suivi aussi par une équipe de la RTBF. Et alors voilà. Raconte. Effectivement, aujourd'hui, ce 20 juin, on a entamé une action pour dénoncer effectivement la création de nouvelles ailes au centre fermé 127 bis à proximité de l'aéroport de Bruxelles pour pouvoir enfermer des familles, donc des enfants notamment. Ce qui est complètement contraire en fait à la vie, ce qui est dénoncé par notamment la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et donc, ce gouvernement va à l'encontre de ces avis-là et construit quand même des ailes pour familles. Il y a notamment donc vendredi une visite organisée, une visite parlementaire, je pense, organisée donc pour vérifier comment ce sera établi, etc. Et donc nous, notre position, c'était de dire que visiter, c'est cautionner. En fait, peu importe le comment, le confort que pourraient avoir ces nouvelles ailes de centre fermé, mais le centre fermé en soi est un problème, d'autant plus pour des familles avec enfants. Et donc, on dénonce clairement ces nouvelles ailes pour les familles qui sont construites, mais les centres fermés de manière générale, parce que c'est quelque chose d'inhumain d'enfermer des gens juste parce qu'ils n'ont pas les bons papiers. Et donc on a entrepris une action en fait de blocage du chantier aujourd'hui. Donc il y a des gens qui étaient sur le chantier à différents endroits et des gens qui ont été sur le toit du centre 127 bis. Et donc on a été au matin, la police est assez vite arrivée, mais elle a mis du temps à commencer à déloger les gens, et comme on était beaucoup à plusieurs endroits, bah, ça a mis beaucoup de temps pour finalement arrêter tout le monde. Et donc tout le monde s'est fait arrêter en arrestation administrative, et même donc certains journalistes en fait qui étaient sur place. Et donc, la plupart d'entre nous ont été emmenés à Malines, au commissariat. Pourquoi Malines, à Malines, oui, je ne sais pas. Peut-être parce que Steno-Kerzel, c'est en région flamande, et donc ils ont décidé de nous envoyer en région flamande dans un commissariat. Enfin, je ne vois pas. Il n'y avait pas assez de place dans le commissariat de Steno-Kerzel. Non, ça, effectivement, on est passé par là. On est passé par là, mais après, ils nous ont envoyé directement à Manille. Ouais. Mais donc, on est resté donc la journée en arrestation. Voilà, j'ai pas eu le retour de tout le monde. À ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas eu de graves violences lors des arrestations et des délogements de personnes. Mais voilà, juste quelques égratignures, quelques bleus, quelques douleurs par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, rien de grave. Mais bon, voilà, ils nous ont quand même délogés, hein, alors qu'on était tranquille, qu'on... Vous étiez attachés aussi ou, Il y a des gens qui étaient attachés, il y a des gens qui étaient sur des toits de bâtiments, il y a des gens qui... Mais comment ils ont délogé? Parce que si tu es sur un toit de bâtiment, pas délogé, tu peux quand même aussi... Allez, c'est des positions de temps en temps dangereuses quand même, ou avec force. Oui. Qu'on doit utiliser la force pour te... Bah donc ils nous ont pas jeté du toit quand même. Non, ok. mais en fait, ouais, ils ont fait appel aux pompiers. Ah ouais. Qui sont venus donc avec un camion de pompiers et avec une nacelle, ouais, ouais. Mm-hmm. Avec une grue, une espèce de grue. Ouais. Et donc un par un, on est descendu par la nacelle de pompiers. Ouais. entre deux flics, hein, évidemment. Entre deux flics, oui, c'est ça, c'est pas que les pompiers. Ouais. Mais en fait, l'avantage qu'il y a eu des journalistes qui étaient arrêtés, c'est qu'on en a parlé sur toutes les radios. Hein. On en a parlé, et du coup, il y a des images aussi. Oui, il y a des images. Notamment des arrestations, donc effectivement. Voilà. C'est quand donc ça a été un coup médiatique assez important, parce que justement, le scandale que ça a fait que des journalistes de la RTBF puissent être arrêtés, a fait que bon, ils en ont parlé depuis, enfin pendant au moins 2 heures sur toutes les infos, les machins, les trucs. Mais tant mieux, tant donc mieux. Donc c'est un bon coup médiatique pour vous. C'est clair. Bah, surtout pour la dénonciation de ce fait-là. Voilà. Voilà. Bon, maintenant j'espère que ça va pas se focaliser uniquement sur l'arrestation de journalistes. Malheureusement, je pense que ça tourne un peu comme ça. Mais au-delà de ça, voilà, ce qu'on a dénoncé aujourd'hui. Bon, je pense que la dénonciation par certains médias de la construction de cette aile pour les familles, on en parle quand même beaucoup depuis un moment, et moi qui écoute beaucoup la radio. Surtout bon, la RTBF, je pense qu'ils ont, ils en parlent quand même suffisamment à plusieurs moments dans la semaine, et c'est quand même important, quoi. Et ils interviewent des gens par rapport à ça et tout ça, donc je pense que c'est quand même un truc assez important où ça devient quand même un peu grave, quoi, qu'un secrétaire d'État puisse dire, voilà, de toute façon, c'est des gens des illégaux qui sont en fin de course, bon, c'est bien qu'ils soient dans les centres fermés, et puis basta, quoi. Mais est-ce qu'on parle juste des familles, ou est-ce qu'on dénonce les centres fermés? Non, eux, ah, voilà. Mais eux ne dénoncent c'est pas les centres fermés, mais ils dénoncent, ouais, ils dénoncent le fait que des familles et que des enfants, en fait, le problème, c'est que des enfants puissent être fermés, c'est ça le truc. Et je pense que c'est quand même important déjà d'en parler, quoi. Oui, mais je pense que dans votre communication, c'était le centre fermé en général, et oui, là, on ne parle pas. Oui, mais ça, ou mais ça, on ne reprend peut-être pas. Ça, dans les médias, ils ne vont jamais parler de l'élimination des centres fermés, ils n'en parlent pas. Bah, ils avaient vraiment pu le faire, parce que si c'est l'action, c'était très dense. C'est dans le communiqué de presse, mais de l'action. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, ils n'ont pas parlé de ça, de l'élimination des centres fermés. Bon, ouais, s'ils parlent déjà des nouvelles ailes construites pour les familles, c'est déjà ça. Hein. Ouais. Au moins, ça, c'est un peu visible. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est des enfants qui vont être enfermés, des familles avec des enfants. Et quand on touche à l'enfant, ouais, là, ça devient très problématique au niveau de la sensibilité des gens, en fait. Bah, du coup, je fais le lien avec la petite Maouda. Ouais. Fillette de 2 ans qui a été tuée par les flics, assassinée par la police. Non, puis il y a le lien à faire aussi avec ce qui se passe aux États-Unis avec ces enfants qu'on met dans des camps parce qu'ils sont séparés de leur famille, parce que bon, voilà, et on les sépare de leur famille, on les met dans des camps. Enfin, ils disent pas que c'est des camps, mais enfin bon, c'est quand même assez fou. Il y a, je sais pas combien d'enfants, ils sont 2000, je crois, 2500, ou je ne sais pas combien, d'enfants complètement séparés de leur famille. J'ai entendu. Non, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter ce genre de truc, c'est n'importe quoi. Voilà. Ben, merci en tout cas, parce qu'il est quand même déjà 22h29. Allez, fais donc ton agenda. On va quand même faire un petit agenda un peu rapide. Il n'y a pas beaucoup, non. Il n'y a pas beaucoup, non. Mais bon, il faut quand même le faire. Donc demain, à partir de 20h, il y a une...